sans fréquent. C'est du blague et tu es. La politique américaine, Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. La politique française, Africa, c'est du blague et tu es. La politique américaine, Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. Nous vendons les armes pendant que nous nous battons et puis nos richesses. Et c'est des surpris de voir l'Afrique toujours en guerre. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola. Ils ont ruiné le Gabon, ils ont brûlé Kinshasa. La politique France-Afrique, c'est du blague et tu es. La politique Amérique-Afrique, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. France-Afrique, c'est du blague et tu es. La politique Amérique-Afrique, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. Ils cautionnent la dictature, tout ça pour nous affamer. Ils pillent nos richesses pour nous enterrer vivants. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola. Ils ont ruiné le Gabon, ils ont brûlé Kinshasa. La politique France-Afrique, c'est du bla bla bla bla. La politique Amérique-Afrique, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. La politique France-Afrique, c'est du blague et tu es. La politique Amérique-Afrique, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. Babylone est très habile. Blague et tu es la la la la vigilance de nous. Au Kassera, l'un de nos borotes. Kalibéria de nos métiers. Au Kangola de nos borotes. Au Kassera, l'un de nos borotes. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouh. La politique France-Afrique, c'est du blague et tu es. La politique Amérique-Afrique, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. La politique France-Afrique, c'est du blague et tu es. La politique Amérique-Afrique, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. Il veut nous blague et tu es. Blague et tu es, la la la la. Il veut nous blague et tu es. Blague et tu es. Souba bon non non, ba non blague et tu es. Est-ce que ça va au Sénégal? Blague et tu es. Il veut nous blague et tu es. Il veut nous blague et tu es. Oh, il sait bla bla bla bla bla bla bla. Oh, il sait bla bla bla bla bla bla. Il veut nous blague et tu es. Il veut nous blague et tu es. Il veut nous blague et tu es. Oh, il sait réveiller vous. La politique, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. La politique, c'est du blague et tu es. La politique France, Africa, là, c'est du blague et tu es. Blague et tu es. Blague et tu es. Blague et tu es. Blague et tu es. Blague et tu es. Blague et tu es. Blague et tu es. Merci.